20h sur le 895 de Radio Dio. Vous êtes bien sûr sur la bonne fréquence. Si vous aimez la pop, la power pop et plein d'autres choses, le vendredi de 20h jusqu'à 21h30, Pop Dreams est de retour pour la 1482e émission. Nous sommes le vendredi 27 mars, le dernier vendredi du mois de mars. Un vendredi assez frigorifique. Et cette semaine, d'habitude, le trio est normalement reconstitué. Ce n'est pas le cas cette semaine, puisque donc je vais me retrouver simplement face à face avec Jacques, que je salue. Bonsoir Jacques. Salut Gérard. Et puis bonsoir à tous nos auditrices et nos auditeurs. Absolument. Donc Jean-Yves n'est pas là ce soir. Il sera là la semaine prochaine. Il est normalement du côté de Paris. Et je pense qu'on aura des nouvelles de lui la semaine prochaine, avec, comme d'habitude, sa sélection à lui. Donc, cette semaine, eh bien, en général, c'est 18 morceaux dans Pop Dreams. On s'est partagé la tâche avec Jacques. On en a 9 chacun, n'est-ce pas ? Je voulais dire aussi, on ne dit peut-être pas assez, j'y pensais tout à l'heure en venant en voiture, c'est que c'est toujours, enfin, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est toujours un vrai plaisir de se retrouver le vendredi, nous, déjà nous trois, et de retrouver les gens sur les ondes. Enfin, en tout cas, de proposer de la musique qu'on entend quasiment nulle part ailleurs, franchement. Je partage ton avis, c'est le seul plaisir que je trouve, d'ailleurs, c'est de faire découvrir des choses. Ouais, et moi, voilà, ça reste du plaisir. La 1482e, mais bon, voilà, on a toujours envie de vous proposer ça. Une émission, je trouve, qui devient de plus en plus éclectique, et c'est ce que j'ai dit dans la présentation sur Facebook tout à l'heure. On a un programme, je connais le tien, tu connais pas le mien, mais bon, voilà, tu vas découvrir. C'est très éclectique ce soir, ça va un peu aller dans tous les sens. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Oui, des nouveautés, bah oui, l'éternelle question. Deux belles nouveautés, oui. Une nouveauté française en plus, c'est ça qui est marrant. Oui, tout à fait. Voilà, qui d'ailleurs fait les choux gras de Rock'n'Folk ce mois. Ah bah je l'ai pas encore ouvert, tu vois. Ouais ouais, bah oui, voilà. Ah bah tu vois, je suis encore en avance sur Rock'n'Folk parce que ça fait déjà au moins 2 semaines que je le disque. Voilà, bah écoute, voilà, tu en parleras tout à l'heure. Oui. Alors, donc moi, en ce qui me concerne, ça va être effectivement aussi de la nouveauté. Et puis aussi pas mal de... Il y a des anniversaires et puis des choses qu'on va redécouvrir dans la discothèque de Pop Dreams. Mais on va commencer par une nouveauté. Et je suis très heureux. Déjà, la pochette, elle m'inspire beaucoup. On voit une jeune femme absolument magnifique, quasiment de profil, qui a le regard un peu noir et le visage un peu fermé. Je vous en ai parlé il y a déjà quelques mois de cette personne qui est d'origine nigériane, qui s'appelle Anastasia. Et j'avais vraiment été subjugué par son premier album qui est sorti l'année dernière. Elle s'appelle Anastasia Enuke, donc elle a des origines nigériennes, même si maintenant... Elle est née, je crois, à Los Angeles et qu'elle vit entre Los Angeles et New York. Alors, Anastasia, elle sort un album live. C'est donc son deuxième album. Alors, on peut dire, déjà, elle a fait qu'un album studio. Elle fait déjà un album live. Et ben, et c'est marrant, tu me le disais hors antenne. Il y a une grande partie des 13 titres de son album studio qui sont sur cet album live qui s'appelle Live at Glass House. Et ça prend peut-être, là où je te rejoins, ça prend une dimension supplémentaire. Personnellement, je préfère l'album live que l'album studio. Et donc, il y a 13 titres là-dessus. Il y a donc 7 titres de l'album studio, plus quelques titres d'un EP qu'elle avait fait avant de sortir l'album. Bref, elle s'appelle Anastasia. Pour moi, c'est une des voix, une révélation pour moi au niveau de sa voix. Elle a une voix qui me fait hérisser les poils, mais vraiment, je trouve ça incroyable. J'ai rarement entendu quelqu'un qui chantait comme ça, c'est-à-dire qu'elle a des intonations, elle susurre souvent. Alors bien sûr, on va voir du côté de Nina Simone, bref, on va déjà écouter un premier titre, et ce titre, il est exceptionnel, c'est tiré donc de son album studio, ça s'appelle Take Care of Me, ça commence doucement avec Pop Dream ce soir, comme je m'aperçois que je le fais de plus en plus souvent, après ça va un peu plus dépoter, mais Anastasia, c'était évident, et on démarre tout de suite Pop Dreams avec elle, allons-y. Thank you. to see if you're made of clay and dirt. Open up your eyes. I need to see if there is space over time. Petits applaudissements. Voilà, messieurs, dames. Alors, pourquoi des petits applaudissements ? Parce qu'en fait, ce concert qui date de fin 2025 pour la promotion de l'album d'Anastasia, en fait, c'était un concert privé pour simplement une centaine de personnes. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Cette voix m'émeut, cette voix, elle m'éprouve. Je trouve qu'elle a vraiment... Elle sait tout faire, quoi. Elle chante avec un falsetto, avec un vibrato. Je ne sais pas combien d'octaves elle a. Et comme tu disais, Jacques, en antenne, elle a 30 ans, Anastasia. Et elle est effectivement la voix d'une personne beaucoup plus âgée qui aurait pas mal fumé, quoi. C'est vrai, oui. Hein ? Et on va en écouter rapidement une deuxième plage, parce que c'est vrai que les morceaux sont un petit peu longs. J'ai choisi un morceau un peu plus peut-être rythmé, qui s'appelle Untamed, qui est... Alors, tiré d'un petit EP qu'elle a fait en 2023. Il faut juste que je le calme et ça va être rapide. Hein. Si tu veux m'aider, là, hop. C'est toujours dans le même registre. C'est un album relativement jazzy. Hein, comme Oui, voilà. Ça fait penser... Alors, elle a des influences. Ça fait penser un peu à la voix à Tracy Chapman. Ça fait penser à Bill Withers. Let No Sunshine, là, tu sais, le titre majeur qu'il avait fait ce gars-là. Et puis, bien sûr, Nina Simone. Donc, on la retrouve. Donc, on est. J'ai la date précisément. C'était le 20 septembre 2025. Donc, à Brooklyn. La salle s'appelle donc Glass House. Ça vient juste de sortir là. C'est donc son officiellement deuxième album à Anastasia. Alors, bien sûr qu'on est très loin de la power pop, mais de temps en temps, voilà, c'est histoire de vous prouver qu'on n'écoute pas que ça non plus. Ah non. Il y a tellement de choses que jazz, j'écoute. C'est sympa. Ah ouais. Alors, bah, après, on ne peut pas non plus aller dans tous les sens. Mais moi, voilà, c'est surtout sa voix que je mets en avant. C'est un genre de nana, comme je dis toujours, qui pourrait chanter le bottin. Elle a une voix extraordinaire, je trouve, avec une sensibilité exceptionnelle à fleur de peau. Et on la retrouve tout de suite. Voilà. Encore une fois, rien à rajouter. C'est vrai que dans Pop Dreams, on n'a pas trop l'habitude d'écouter ce genre de musique. Même si on avait passé le premier album d'Anastasia, qui était peut-être moins je sais pas. Marqué dans le style. Oui. Là, on sent que elle s'aventure dans des territoires incroyables. Elle a, comme je te le disais hors antenne, elle a beaucoup de musiciens. Elle a 5-6 musiciens avec elle. Avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude trop d'entendre, le violoncelle, le trombone, voilà, elle a évidemment une section rythmique classique. Mais en fait, je pense que l'instrumentation, elle est minimaliste justement à cause du fait qu'on met la voix en avant. Elle a une voix exceptionnelle. Donc voilà, c'est le nouvel album d'Anastasia qui s'appelle Live at Glass House, qui vient juste de sortir. Eh bien, Jacques, allons-y. Eh bien, écoute, ma première nouveauté, c'est un groupe français, tu l'as dit tout à l'heure, que j'ai découvert. Franchement, j'ai été emballé quand j'ai écouté ce disque. Je l'ai découvert au début du mois de mars, hein, je reconnais. Un quatuor nantais qui mélange le post-punk et le garage rock. Alors, c'est un groupe qui s'appelle Swirl, S-W-I-R-L-S. Je crois qu'il y a un groupe homonyme qui s'écrit sans S, je crois, à la fin. J'ai vu quelque part. Alors, ils viennent de sortir. C'est leur second album qui s'intitule Surge. 11 titres en 33 minutes. Des chansons qui sont très, très rapides. Il n'y a pas de temps mort. Enfin, vous allez quand même être surpris un petit peu par ce style de musique, mais moi, je le trouve vraiment très, très bien. On va écouter un premier extrait. Tu m'as étonné, d'ailleurs, effectivement, là-dessus. Ben oui, on va écouter la chanson « Numb ». Je crois que c'est que je pense que ça t'a bien plu. Oui, moi j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai eu la chance de l'écouter aussi comme toi. J'ai été surpris et surtout, alors c'est bête à dire, mais on est obligé de le dire à chaque fois, c'est étonnant que ça soit un groupe français. Eh bien, tu sais qu'au début, quand j'ai écouté cet album, je ne savais pas du tout que c'était un groupe français. C'est en recherchant un petit peu que là, je me suis aperçu que, en plus, tu vas voir, c'est un groupe qui existe depuis 3-4 ans. Ils sont formés en 2022. Alors, c'est 4 musicos du groupe Dissous que tu connais. Alors moi je connaissais le nom mais j'ai jamais écouté, j'avais jamais acheté d'album. Oui, enfin, l'album Von Parias. Oui, j'ai écouté le groupe Von Parias. J'avais classé ça, donc ça veut dire que ça m'avait pas non plus fait sauter de ma chaise. Hein. Ça va pas être d'accord. Alors je vais quand même donner le nom des musicos. Le chanteur s'appelle Sam Sprint, Hugo Allard qui joue la batterie, Théo Radière il joue de la basse et le guitariste Guillaume Sibar. Écoute, j'ai pas grand-chose de plus de renseignements parce que. Ouais, alors les influences, ça transpire quand même un peu, non ? Qu'est-ce que tu dirais quoi, toi ? Ah bah il y a des odeurs de Joy Division, bien sûr. Télévision, moi je trouve. Télévision aussi, ouais, tu as raison. Bah toute cette mouvance post-punk, ouais. Ou ailleurs un peu. Ouais, je connais moins là, j'en veux franchement. Groupe anglais. Bref. On va en écouter un oui, autre extrait. Avec, la avec chanson, plaisir. C'est I Love Me. Swirl, c'est l'album Surge, le deuxième album de ce groupe français originaire de Nantes. Allez le découvrir, franchement, il mérite le détour. La scène nantaise qui a toujours été très très productive en France, c'est des bases comme Bordeaux, Lyon et bien sûr Paris. Montpellier, voilà, il y a des villes comme ça et Nantes, tant mieux. Moi, pendant de nombreuses années, j'étais très copain avec les Little Rabbits qui ont vraiment porté à bout de bras la scène nantaise en particulier. Bref, 20h25 sur 895 de Radio Dio. N'oubliez pas que cette émission est podcastée sur archive.org, mais surtout sur le site de la radio, les www.radiodio.org, et bien sûr aussi sur Mixcloud. Alors oui, quand je parlais d'éclectisme, on est quand même passé d'Anastasia aux Swirls. Mm-hmm. Franchement, là, il y a le grand écart. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, on aurait dit une danseuse du Moulin Rouge, là. Hop. Grand écart. Et là, c'est, comment dire, c'est une douce habitude. C'est-à-dire qu'on a pris pour habitude, parce que c'est un groupe qui fonctionne qu'avec des singles, enfin des deux titres. Et on va aller du côté de Bordeaux retrouver Jesse Bordeaux, qu'on commence à bien connaître dans cette émission, mm-hmm. avec Karen, sa compagne, qui joue de la basse, lui, il chante et joue de la guitare. Et c'est le premier single de l'année 2026. Ils en avaient fait quand même quelques-uns, au moins trois, je crois, l'année dernière. Donc, il est sorti le 19 mars. Donc, voilà, comme d'habitude, Jesse m'envoie le lien. Et moi, j'apprécie toujours Merlot. J'ai trouvé que ces deux titres, tu les as écoutés ici, sont excellentissimes. Hein. Excellentissimes, oui. Surtout, wow. Surtout la première phase, c'est exceptionnel. Eh bien, je vais passer la phase B. Ah bon? Allow me. J'ai hésité. Puis, j'aime beaucoup aussi Rest and Hide. Pour dire que donc ils ont un certain David Pilarski à la guitare et Charlie à la batterie. C'est la première entité de Pop Dreams qui, pour la 1500e, nous a déjà fait un jingle. Ça, c'était tant mieux et je remercie Jesse d'avoir été aussi réactif. Voilà, c'est des gens qu'on a envie de supporter. C'est une amitié qui se maintient, cette relation épistolaire. Et puis voilà, ça fait plaisir des gens qui, en France, sont un peu les gardiens de la flamme. Voilà, c'est de la musique à la fois mélodique, à la fois rythmique. C'est de la power pop, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, on va retrouver les Shake Some. Ah, Karen, cette ligne de basse, toujours aussi forte. Karen à la basse, j'aime beaucoup son travail en particulier. Et voilà, on les retrouve tout de suite dans Pop Dreams. Shake Some, ça fait toujours énormément plaisir à diffuser. Et on remercie Jesse. Et puis, ce morceau, franchement. En fait, c'est le même. Hein. On parlait du même. Mais... On parlait du même morceau, c'est celui que tu préfères, toi aussi. Oui, moi aussi. Oui, morceau très flaming groovy, hein, évidemment. Ouais, c'est moins qu'on puisse dire. Mais ça va bien avec un groupe qui s'appelle Shake Some. Hein. Tu rajoutes Action et on est dedans. Et bien, encore une fois, super. Et donc, une vraie nouveauté, là aussi. Et là, par contre, c'est une relecture. C'est vrai que tu nous as présenté cet album quand c'est sorti, je crois, quand il est sorti. Oui, tout de suite. Oui. Il est sorti début d'année. Il y a 2-3 mois, oui. Je crois que c'était le 30 janvier, il me semble que je l'ai noté quelque part. Peu importe. C'est un duo qui existe depuis 2020, qui s'est centralisé à Londres. En fait, c'est le frère et la sœur. Alors, ce qui est étonnant, quand je regarde 2020, il a 17 ans, lui. Mmh. Ça veut dire qu'il a commencé il y a 6 ans, il avait 12 ans. Quoi. Ah oui, ils étaient gamins, hein. C'était vraiment des... Et elle a 19 ans, ouais. Elle a 2 ans d'écart. Donc bassiste, elle, pour elle, et lui, chanteur et guitariste. Et ils ont un batteur alors, qui est un peu interchangeable. Et je dirais presque qu'on s'en fout, quelque part, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en changer. Je veux parler des Molotovs. L'album s'appelle Wasted on Youth, on ne va pas en dire plus. Tu en as suffisamment parlé. C'est probablement un des très très bons albums de 2026. Ah, ça, c'est sûr, oui. C'est une grosse sensation en Angleterre. Ils jouent partout, sold out, etc. Et on va les retrouver sur cet album avec le morceau éponyme qui s'appelle Western Youth. J'adore parce qu'il y a plein de cassures dans le morceau. Il y a plein de... ça repart, etc. Je pense que c'est un morceau en concert qui doit être assez exceptionnel. Allez, on retrouve les Molotovs dans Pop Dreams pour notre plus grand plaisir. What's the matter now? Have you let yourself down? Or will you talk about it, talk about it, talk about it when? Or will you reminisce of all the things you did then? The seed of every problem's always growing from the stem. Are you still hanging out with them? Well, it's nice to know you're keeping it together, not the wind, it's out the window. I must say, I was getting sort of worried by the end of the day. But now, I'm sure that every word I speak is being said before I know. Tough, since everything I do is not enough. Oh yeah. Anyway, one, two, three. Walking down the aisles at 9:30. No need to look back when I'm doing fine. I'd like to tell you now, but now's not the time. I've got you by the cheeks on that fishing line. It's nice to think you tell me I'm fine when I'm on the brink. Voilà, c'est les Molotovs dans Pop Dreams. Franchement, j'adore ce titre, mais j'adore tout l'album. 17 ans et 19 ans, c'est incroyable. D'ailleurs, on n'a pas dit, j'ai pas dit leur nom. Comment ils s'appellent déjà, ces gens-là ? Voilà, ils s'appellent Matthew Cartledge, oui, Cartledge et Issei Cartledge, c'est le nom de sa sœur. Donc voilà, c'est un 11 titres qui est sorti donc, le 30 janvier. C'était Wasted on Youth. On va suivre ça de près. Je pense que sur scène, c'est exceptionnel. Allez voir, il y a quelques vidéos sur scène. Sur YouTube, c'est pas mal. Ça bouge, comme on dit, ça bouge. Oui, ça, 20h34 sur le 895 de Radio Dio. Vous êtes bien dans Pop Dreams, l'émission éclectique par excellence, de plus en plus. Vendredi 27 mars, nous sommes, et c'est la 1482e émission. Et là, une très, très belle nouveauté. Ah ben écoute, oui, qui nous vient de l'Atlantique. C'est le groupe Cupped Worms. Alors, c'est basé à Brooklyn, originaire de New York. Alors, Cupped Worms, en fait, c'est le projet solo d'un songwriter multi-instrumentiste qui fait du folk rock. Enfin, j'appelle ça du folk rock, hein, Gérard. Hein. Oui, oui, oui, tu peux, tu peux. Et il s'appelle Max Clark. Alors, il vient de sortir son cinquième album qui s'intitule Transmitter. On va tout de suite en écouter un premier extrait. Tu vas voir, c'est sympa. Friday nights I go out walking, drift alone through the weekend crowd, looking for something to get lost in, can't find nothing but the easy way out. Lean back on a street light, lean back on a street light. guess I've been downhearted lately. Feel the time accelerating again. Looking for your love to save me from the mess I got myself in. One more for the old times. One more for the old times. Once more would you say Kurt Worm. Alors, magnifique album de pop. C'est bon ? Oui, bah écoute, je crois que tu connaissais l'album, ça t'a bien accroché toi aussi. Ouais, je trouve que c'est un magnifique album. Ça, c'est le genre de truc qu'on devrait retrouver en fin d'année, normalement, si tout va bien. Alors, je vais raconter un petit peu l'histoire de ce disque, comment il s'est fait. C'est les prémices de cet album, ils ont vu le jour lorsque... Le musicos que tourne, il a fait la première partie d'un groupe qu'on connaît, qui est connu, Wilco, pendant l'été 2024. Alors à la fin de la tournée, Jeff Tweedy, c'est le leader de Wilco, il l'a invité à enregistrer dans ses studios à Chicago. Alors il lui a produit son album, il joue pas mal de morceaux de basse et de guitare, enfin tout. Le résultat, ça donne cet album qui est absolument magnifique. Un excellent album, je trouve, franchement, et qui nous fait découvrir, parce que tu connaissais le premier. Comme on dit gentiment, il est quand même nettement meilleur que le premier album. Oui, surtout, il a une autre couleur musicale. L'autre était beaucoup plus country americana. Voilà, c'est ça. On va en écouter un autre extrait, que tu as calé, je suppose. Oui. C'est Window on the World. Live. Cutworm, l'album Transmitter. Là aussi, Gérard, c'est un album qui mérite d'aller d'être découvert. Alors, je pense que si jamais, en fin d'année, tu n'as pas mis, je te le pique, hein, je te le dis. Bah, tout dépendra de ce qu'il y aura à côté. Eh ben oui, je m'en fous. Donc, prépare tes fesses. 20h43 sur 8.95 de Radio Duo. Vous êtes bien en Pop Dreams, sans Jean-Yves ce soir, mais il sera là la semaine prochaine. On vous le précise. Donc, on fait la programmation à deux et deux morceaux chacun, bien sûr. Et puis après, on aura l'occasion de passer trois titres plutôt que deux. Alors, c'est vrai que comme on a un peu du temps et de la place, puisque d'habitude, on ne passe que six morceaux chacun, je me suis dit que ça serait bien de revenir un peu à cette rubrique qui s'appelle Retour vers le futur, Back to the Future, où je redécouvre la discothèque, ma discothèque Pop Dreams, celle que j'ai en gros mis en place depuis 91. Et on en est à la lettre G. J'avance doucement hein, quand même, mais on est en train de finir la lettre G, c'est pas mal. Et donc, on attaque même la lettre H. Et dans la lettre G, la dernière lettre... Grateful Dead. Non. Ah non, parce que... Non, mais, alors, non, mais c'est vraiment... J'essaye de passer des groupes que j'ai passés qui sont plus ou moins connus, évidemment. Et là, un groupe qui s'appelle The Guffs. Et je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'albums de ce groupe qui est en sommeil depuis début des années 2000, je crois. Je ne vais pas dire de conneries. Non, 2006. Et en fait, c'est le groupe de deux frangins. Goran Kragl, c'est dur à prononcer, K-R-A-J-L, et Dejan Kragl. C'est un quatuor qui vient de Milwaukee, dans le Wisconsin. Ils sont créés en 1988, c'était... Grand classique de ces groupes power pop des années 80-90. Ils sont connus à la fac, etc. Donc voilà, The Guff. Et ils font une power pop plutôt tranquille, qui tire plutôt vers la pop. Mais c'est vachement bien joué, chanté, etc. Et ouais, je me suis aperçu que j'avais pas mal d'albums et je me suis dit que ça valait le coup de réécouter ça. Et je l'ai fait cette semaine. Et j'ai été, ma foi, assez conquis. Je me suis dit, waouh, je sais pourquoi j'ai gardé ces CD. Donc on va découvrir The Guff. C'est tiré d'un album sorti en 1997 qui s'appelle... Collide Session, parce qu'ils avaient fait un album, comme ils ont signé sur une majeure, en l'occurrence Atlantique, ils ont refait l'album et ils avaient plein de morceaux, donc ils ont fait une espèce de petit mini-album là, pour eux, qu'ils ont sorti eux-mêmes, donc les Guffs, le titre ça s'appelle Wearing Thin, vous allez voir, c'est pas mal, pas mal, pas mal du tout, allons-y. Turned down, the sky is turning green. Voilà pour les Guffs, The Guffs, donc un groupe du Milwaukee dans le Wisconsin qui apparemment est en sommeil. Ça t'a plu, Jacques, hein ? Ah oui, oui, j'adore. Ah oui, j'ai été agréablement surpris, je ne connaissais pas du tout. Le nom me parlait, enfin la pochette me parlait, mais je n'avais jamais écouté. C'est tiré d'un film, je très, crois, très bon. The Guffs. Ouais, ouais, donc ils ont fait quelques albums, hein, pour le premier en 91, donc ça, ça datait de 97. Je crois qu'en fait, signé chez une majeure, en l'occurrence Atlantique, ça les a tués. Enfin, plus ou moins, parce qu'ils ont arrêté. Je crois qu'ils se sont reformés en 2006. Mais bon, voilà. C'est des gens maintenant qui ont la soixantaine. Je pense qu'entre-temps, ils ont fait autre chose, etc. Et donc, on attaque la lettre H dans la rubrique Back to the Future, Retour vers le futur, avec un groupe, là aussi. Alors, eux, ils sont de Minneapolis. Ils se sont créés en 1990. Ils ont fait simplement 4 albums. Ça, c'est le deuxième. Qui s'appelle So We Go. On va écouter d'ailleurs le titre éponyme. Là aussi, ça m'a fait plaisir de réécouter ça. Je me souvenais quand même des Hangs Up. C'est un quatuor, peu importe les noms, hein, mais c'est surtout Brian Tighe. C'est le mec qui compose, qui chante, qui joue de la guitare, etc. Il est accompagné par trois de ses amis. Pareil, même principe que les Guffs. C'est des gens qui sont connus à la fac, même au lycée, et puis voilà, qui ont décidé de faire un groupe. Et j'adore, moi, c'est le son de la power pop des années 90, cette power pop qui peut se transformer en pop, etc., avec une production quand même bien foutue, quoi. C'est ce que je reproche souvent au groupe des années 70-80 qui faisait de la power pop, c'était le problème du son. Et là, le problème, il est réglé parce que la technique a évolué. Donc, on va retrouver les Hangs Up avec So We Go. Tu vas voir, je pense, Jacques, ça va te plaire aussi parce que là, c'est du mid-tempo et c'est vraiment de la qualité. la pop rêveuse de ce groupe qui s'appelle The Hangs Up, donc raccrochez les mecs, ça s'appelle. Donc groupe de Minneapolis, c'est tiré de la discothèque Pop Dreams, de ma discothèque, voilà, on redécouvre ça. Ça aussi, hein, c'est une belle surprise. Ah oui, je ne connaissais pas du tout. The Hangs Up, voilà, le groupe de Brian Tighe, 4 albums sous la ceinture, voilà, 20h54, et là je crois que tu vas faire plaisir à beaucoup de gens. Puisqu'on va parler de groupes rock français. Eh bien oui, parce que bon ben, j'ai eu envie, après les Swirls, deux autres groupes français que je me souviens avoir découvert, hein, tous les deux, mine de rien, et qu'on aime beaucoup à Pop Dream depuis. Bah, surtout donc, ce soir, hein, ils sont. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils sont à Lyon. Plus, on commence avec Dynamite Shaker, puisqu'en plus, ils sont en concert ce soir à Lyon, au Marché-Gare, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. On les a présentés très souvent, alors je vais juste rappeler le nom des musiciens, mais bon. Si, les petits jeunes qui je pense, qui oui, bon, je vais donner leur nom. Le jeune Elwan Davis, le chanteur-guitariste, un dénommé François Rocheteau à la batterie, Calvin Tulette à la guitare et Lila Rose Attard qui joue la basse. On va en écouter un titre absolument magnifique qu'on avait déjà peut-être passé, je pense. Oui. C'est What's Going On. Remember these guys just sitting around, the stupid and mocking faces. These guys are so meaningless in their sound that they came here to sneak around. I feel so numb, they were falling asleep. Looks like he's living his best dream. I've heard one. I say, come on, come on, come on. I say, hey, come on, come on, come on. I say, hey, come on, come on, come on. I say, hey, come on. Just too shy. I say, hey, what's going on? Maybe they will come back tonight. Maybe they are just too shy. Ça déménage, hein. C'est vraiment un sacré groupe. On a une pensée pour les gens qui sont au Marché-Gare ce soir, ils ont bien de la chance. Ils ont bien de la chance. Ouais, les Dynamite Shakers, waouh! Wow. On est fiers, hein, d'avoir un groupe comme ça en France, franchement. Ah, bah oui. Et l'autre groupe français, bah, de grand talent, qui à première vue, je crois qu'il n'existe plus malheureusement, non. On n'a plus de nouvelles. C'était un groupe, ils étaient basés à Montpellier, ils étaient originaires d'Alès, si mes souvenirs sont bons. C'est les Gris-Gris. Ah oui, un ça, groupe que j'adore. Hein. Un quintet, je vais quand même donner les noms. Le chanteur-bassiste Almir Fage, du guitariste-chanteur Vincent Bassou. L'autre guitariste, c'était Romero Lacassagne, Esteban Cris à la batterie et Manuel Monnier à l'harmonica. Il y a eu après les Lulis, après Oui, en même temps, plus ou moins. Mais les Lulis continuent, voilà. Hein, parce qu'ils ont sorti un album, je crois, l'année dernière. Voilà. Mais je trouve que c'est un style différent. Ça me plaît un chouïa moins, effectivement. Un petit moins bien, oui, je trouve. On va écouter un titre qu'on n'a jamais programmé, extrait de leur premier album, l'album éponyme, Les Gris-Gris, une chanson qui s'intitule Satisfies the Lord of Anarchy. Malheureusement disparu, deux albums et puis s'en vont. Ouais, alors après voilà, d'autres projets, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose. Ben, je surveille un petit peu, voir ce qui, ouais. S'il y avait pas quelque chose qui renaissait de ses cendres. On verra. 21h02 sur 895 de Radio Dio. Vous êtes bien dans Pop Dreams. On est ensemble jusqu'à 21h30, comme tous les vendredis. Et en général, la dernière partie de l'émission, elle est consacrée à des choses beaucoup plus anciennes. Ça va être le cas puisque on célèbre l'anniversaire d'un album, le premier de sa carrière, qui est sorti. Alors, je suis un peu en avant. Je crois qu'il est sorti fin avril, début mai. On est fin mars. C'est le premier album de la Little Bob Story, puisqu'il faut dire Little Bob Story à l'époque. Après, c'est devenu Little c'est Bob, et maintenant c'est Little Bob Blues Bastard depuis 2012. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ami Roberto Piazza, qu'il est arrivé en 58 au Havre. Il avait, je crois, 12-13 ans. Il a bossé, je ne sais plus dans quoi, dans la sidérurgie, je crois, de mémoire. Et puis, à partir de 74, il va créer son propre groupe, le Petit Bob. Et le premier album va sortir en 1976. Il s'appelle High Time. Et franchement, bah, tu connais ça aussi, Jacques. Hein, c'est, oui. Est-ce que ce n'est pas un des meilleurs albums de Little Bob Story ? Probablement. Ah ouais, j'adore les deux ou trois premiers, oui. Alors, il y a bien sûr lui au chant. Il y a un certain Mino. Mino, c'est Dominique Cartier, le batteur. Oui. Que t'as côtoyé. Que je connais très bien. Barbe Noire à la basse. En fait, Barbe Noire, il s'appelle Dominique Lélan. Mm-hmm. Et un certain Guy-Georges Grémy, qui pour moi est probablement le meilleur guitariste. Il y en a eu pas mal dans le Little Bob. Il y a eu Serge Hendrix. Mais je pense que, pour en citer qu'un, Guy-Georges, excellent. Et cet album, alors il est à la fois, il y a des morceaux originaux, et puis il y a des reprises. Ils reprennent par exemple « Il Sol of an Hour, Baby Blue » de Bob Dylan. Morceau de 64, la version elle est magnifique. Ils reprennent Lucille de Little Richard, mais j'ai préféré encore passer I'm Crying, c'est un morceau des Animals 64, signé Eric Burdon, Vincent Price. La version, elle est incroyable. La guitare de Guy Georges, exceptionnelle. Et donc, c'est un album qui a 50 ans, mine de rien. Et il est toujours là, 81 ans. Et d'ailleurs, début du mois de juin, il va faire encore un concert au Café de la Danse à Paris. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est quelqu'un que j'ai un peu côtoyé. Et c'est un type incroyable, admirable, d'humanisme, de simplicité, de talent aussi. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, 76, là, ils se sont embarqués dans l'histoire du mouvement punk. Quand ils jouaient à Londres, c'est les Jam qui faisaient leur première partie. Ce n'était pas l'inverse. C'est vrai. On a un peu oublié ça. Ils ont fait le festival punk de Mont-de-Marsan en 76, en 77. Bref, Little Bob Story, bon anniversaire par rapport à cet album. Bon anniversaire à toi, Robert. Et puis, on va écouter I'm Crying. La version, elle est absolument magistrale. Allons-y. I'm not your cool baby. c'est l'immense claque. Alors, pour les gens qui connaissent un tout petit peu Little Bob, qui ne connaissent pas vraiment les débuts, et franchement, quand on avait un certain Guy-Georges Grémier à la guitare, ça change tout, hein ? Exceptionnel. C'est sûrement, oui, tu as raison, je partage ton avis. C'est la meilleure formation qu'il ait eue, je pense. Ah bah, la section rythmique, elle est impeccable. Ah bah, Mino, c'était un John Bonanbis. Moi, je l'ai vu. Il éclatait les pots. Les pots de batterie. C'est pas étonnant. Barbe noire, bah, déjà, il en imposait le look, tout ça. Et puis, c'est solide. Et puis, l'autre qui. Et puis Bob, quoi. Je veux dire, Bob, il chante, comme je disais, entre un mélange entre Bill Hurley et Librio, quoi. Tout à fait. On dirait, ça pourrait être tiré du premier album de Dr. Feelgood, hein, par exemple, ça. Donc, High Time, ça a 50 ans, waouh! Et bah, encore une fois, bon anniversaire. Et un autre anniversaire plus récent, et ça tombe bien que Jean-Yves soit pas là. Parce que c'est l'album de R.O.M. qui s'appelle Out of Time. Donc, en fait, il va pas me faire des réflexions sur le chant de Michael Stipe. Alors, cet album, c'est pas celui que je vais prendre directement dans ma discothèque quand j'ai envie d'écouter R.O.M. Mais bon, c'est le 7e album, il est sorti en 91, mais c'est l'album de la révélation. J'ai halluciné quand j'ai regardé les chiffres des ventes. 18 millions d'albums, 18 millions de copies de Out of Time. Oui. C'est devenu un groupe planétaire, donc ils avaient déjà une grosse expérience. Mais là, du coup, avec Losing My Religion, alors c'est pas ça que je vais passer, parce que franchement, au bout d'un moment, je peux plus la voir, cette chanson. Je peux plus. Tu vas passer Shiny People? Non plus, parce qu'il y a un excellent morceau, par contre, avec Kid Person des B-52s, non. Je vais passer un morceau qui s'appelle Half a World Away, qui a la même base que Losing My Religion, c'est-à-dire qu'il y a une mandoline que joue Peter Buck, mais le morceau, je le trouve nettement plus intéressant. C'est un très bon album que j'ai réécouté cette semaine, ça faisait très longtemps. Je ne l'avais pas écouté, comme je le disais, ce n'est pas celui que je prends quand j'ai envie d'écouter R.O.M. Il faut savoir en plus que cet album, il est, l'album d'avant, c'était après Green et avant Automatic for the People, qui sont deux superbes albums, là, franchement. C'est vrai. On va écouter Half a World Away, que j'adore. Voilà, c'est 35 ans de R.O.M. et je suis bien triste que ce groupe n'existe plus, mais je me récupère avec les albums, bien sûr. R.O.M. This could be the saddest dusk I've ever seen. Turn to a miracle. I am alive. My mind is racing, as it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Here in my head, sworn to go it alone and hold it alone, hold alone. Half a world away. My shoes are gone, life spent. I had too much to drink. I didn't think of you. I guess that's all I needed. To go it alone and hold it alone. Hold alone. Backwards, backwards, forwards and fall. Ho, ho, ho, ho. Oh, this lonely world is wasted. Pathetic eyes, high life. The blind tide's turned to sea. The storm, it came up strong. It shook the trees and blew away. Go it alone and hold it alone. Hold it alone and hold it. Go it alone and hold it alone. Ho, ho, ho. never seen. Turn to a miracle. My mind is racing. As it always will. My hands tired, my heart aches. I'm half a world away. Go. Me and Honey, c'est tiré de Out of Time avec la voix de Michael Stipe, bien sûr, et accompagné par Kate Pearson, la chanteuse des B-52s. C'est donc un album qui a 35 ans. Bon anniversaire à R.O.M. pour Out of Time. Encore une fois, 18 millions d'albums vendus. Extraordinaire. Ils en vendront moins après, mais bon, c'est devenu après un groupe qui était de valeur internationale. 21h19, et comme d'habitude, le vendredi dans Pop Dreams, qui termine l'émission ? Ben c'est Jacques, lui aussi avec des choses plus anciennes. Eh ben écoute, j'ai choisi trois covers, moi, pour terminer. Alors, on va commencer tout de suite avec Teenage Fan Club, qui reprend une version Mission Submarine Man, une interprétation très très bonne, rien à voir avec la version de Bob Dylan, hein, un titre qu'ils avaient enregistré en 92 pour une compilation de... l'album Ruby Track, je ne sais pas si ça te parle. Ouais. C'était un album qui était sorti du New Musical Express, qui avait sorti ça pour fêter leurs 40 ans d'existence. C'est Jean-Yves qui nous le propose régulièrement. Ah bon ? Oui, il passe des covers de groupes. Il a envie d'y aller, lui. On va l'écouter, Mr. Tambourine Man. Excellente version, d'ailleurs. Allons-y. Guitare 12 cordes acoustique. Ah oui, c'était beau. Mon second cover, c'est un cover d'une chanson des Bee Gees qu'ils avaient sorti en 72, la chanson Run to Me. Alors, cover repris par Jim Ellison et ses potes, Ted Anzani et Mike Zelenko. Bien sûr, Gérard, c'est toi. Material Issue. Alors, ils avaient sorti cette chanson justement sur un album, une tribute to Bee Gees, l'album Melody Fair à l'époque. Que j'ai. Que tu as ? Oui, bien sûr. Ah, tu as déjà jamais passé, tu devrais l'amener. C'est là, il est sympa, ça. Oui. On va écouter cette chanson, superbe version, Run to Me. If ever you got rain in your heart, somebody's hurt you and torn you apart. Am I unwise to open up your eyes to love me? Let it be like they said it would be. Me loving you, girl, and you loving me. Am I unwise to open up your eyes to love me? Am I unwise to open up your eyes to love me? And when you've got nothing to lose, nothing to pay for, nothing to choose. Am I unwise to open up your eyes to love me? Superbe chanson. On est loin de ce qu'il faisait en temps normal. On a failli faire un slow avec Jacques. Vous avez poussé les tables, j'espère. Hein. Ça s'imposait, comme tu disais, c'était les slows qui permettaient de conclure. Tout à fait, oui. Mon dernier cover, c'est une chanson de Fleetwood Mac, extrait de l'album Rumours de 77. C'est un album qui s'est vendu de ça combien d'exemplaires ? Oh non, alors j'en parle même pas. 45 millions. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'était quand même assez impressionnant. C'est énorme. Ouais. Alors, une chanson reprise par un groupe d'un artiste qu'on apprécie tous, le groupe de Chef Shelton, le groupe The Well-Wisher. Un de ses groupes, on va dire. Hein ? Un de ses groupes, oui, parce qu'il joue aussi Eric Cotton et puis Spinning Jenny, si mes souvenirs sont bons. Oui, exact. Alors, Scholar de Well-Wisher, il est paru sur l'album Covered 2, qui est sorti en 2025. Alors, ils reprennent que ils font que des covers sur cet album que je conseille d'aller découvrir, c'est sympa. C'est la chanson Second Hand News. I know there's nothing to do. Time's gone bad. On a terminé avec les Well Witcher. Je trouve que c'était une excellente version encore là aussi. Et dire que dans les albums faciles à écouter, franchement, grand public, Rumours de Fleetwood Mac, c'est un album incroyable qui a été décrié, mais qui est, il n'y a que des hits sur cet album, c'est incroyable. Vrai. Absolument d'accord avec toi. Et le groupe exceptionnel, Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, enfin Christine Perfect devenue Christine McVie, Lindsay Buckingham, Stevie Nicks, c'est waouh, c'est du lourd. Ah ben, à cette époque-là, c'était ceux qui vendaient le plus de disques sur la planète. Hein. Eh ben, écoute, voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. On va lancer le générique de fin, évidemment. C'est toujours nos amis de Teenage Fan Club. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire ? Qu'on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, même heure, même fréquence, bien le 895 de Radio Audio, de 20h jusqu'à 21h30. Jean-Yves, normalement, devra être là avec nous. Et puis, c'est tout. Notre ami Martin n'est pas arrivé. Pour les gens qui attendent, effectivement, Overdrive, je sais pas, on n'a pas de message. Ah si, il arrive. Ah, en retard, arrive. Mais il arrive. Donc, vous allez le retrouver dans quelques minutes, Overdrive. Et nous, on se retrouve le week-end prochain. Passez un excellent week-end à l'écoute des programmes du 895. Bye bye. Et ciao.